Tes lèvres frôlent mes silences, chaque souffle devient aux essences. Je tremble encore sous ton regard, chaque mot chuchote et m'égare. Rider's Kill m'enlace dans sa voix, sa chaleur grave m'entoure et me noie. Nos deux souffles glissent sur la peau, chaque vibration devient flambeau. S'écrit au matin. Nos voix éclatent, nos corps s'embrassent, chaque battement consume et on lasse. Sous la basse, nos souffles s'élèvent, chaque désir devient une trêve. Feel the rhythm, taste the flame, whisper softly, call my name. Shake the ground.